encore à nous réduire, à nous soumettre à ton empire. Mais on a la tête dure, on est paré pour l'aventure. Oui, on a la tête dure. Depuis nos morsures de jeunesse, on tire sans cesse sur nos laisses. Rien que serrer les dents et voir venir et allumer des feux parfois juste pour le plaisir et allumer des feux de joie. On affiche la couleur sans mêler ouest à rocker, insurgé de l'intérieur, condamné au crève-cœur. Allez les gars, on garde au cœur un espoir, qu'un orage crève.